Analyse du 4 juin 2023. Thierry Pirlot, Sherpa One. Qu'y a-t-il réellement dans les picouzes? J'ai envie de vous partager mon avis, à cette heure de la guerre, sur ce que contiennent ces injections. Primo, ne faites plus confiance à personne à part à vous-même. Deuxio, personne ne sait dire dans la résistance ce que contiennent réellement ces injections. Tout comme aucun résistant n'était capable en 1942 de dire où et quand se ferait le débarquement. Tertio, cette incertitude n'empêchait pas cette résistance d'agir et de tout faire pour obtenir les renseignements efficaces pour mener leurs actions à bien. Ma compréhension à cette heure est qu'il n'y a pas d'ARNM dans les injections. Cet ARNM censé produire comme de petites usines des protéines spikes par milliard. C'est pour moi le doigt de l'opposition contrôlée qui montre la lune de la résistance, car c'est bien plus tordu que cela, en réalité. Cette lune, que l'on veut nous cacher par tous les moyens en ridiculisant nos théories complotistes, est composée de graphène, de spikes biosynthétiques à gain de fonction, de nanobots, d'Hydra vulgaris, ou parasites biosynthétiques, ainsi que des produits stérilisants. Ces derniers étant vraisemblablement les plus dangereux et les plus secrets des composants, laissant augurer d'une dépopulation programmée et échelonnée sur deux générations. Ces spikes ne seraient donc pas fabriqués suite à l'adjonction d'ARNM, mais fabriqués intentionnellement en amont, ainsi que la transcriptase inverse, cette enzyme capable d'intégrer de l'ARN étranger dans notre ADN selon le même mode d'action que celui du soi-disant VIH. L'impact sur l'ADN et le génome sont irréversibles pour l'individu et sa descendance, et cela sur plusieurs générations. Si toutefois, il est toujours en état de procréer, ce qui me semble bien mal barré. Le coco serait lui-même non pas un virus, mais un parasite biosynthétique créé de toutes pièces. Cela expliquerait que la communauté scientifique tourne autour de sa queue depuis 2 ans, en cherchant et ou en traitant un virus inexistant, et que l'ivermectine et l'hydroxychloroquine, antiparasitaires, soient aussi performants à chaque fois qu'elles sont utilisées. Idem pour les antibiotiques censés combattre des bactéries et qui seraient inefficaces si on avait affaire à des virus. On peut même imaginer que cet arrêt ait été capable de créer une chimère combinant un parasite avec une bactérie modifiée par gain de fonction. Le gain de fonction étant dans ce cas celui d'accélérer le processus pour vous faire rejoindre au plus vite votre créateur. Évidemment, pour brouiller les pistes, tous ces scientifiques de renommée mondiale ne parviennent pas à observer la même chose dans les injections. Ce serait trop beau. Le but initial de la manœuvre a toujours été de donner le Pfizer à tout le monde, in fine. Les 3 autres, Moderna, Astra et Johnson, ont servi de diversion et ont été sacrifiés volontairement pour cause d'effets secondaires multiples. Comme on peut sacrifier des soldats en tête chercheuse lors d'une opération de combat en profondeur. Après les brouillons est arrivé le général Pfizer, qui ne cesse de perfectionner son poison injectable grâce aux erreurs commises par ses 3 premiers soldats. Je pense que chaque pays reçoit en proportion de sa population et avec l'aval de ses politiques corrompues, des injections plus ou moins merdiques, au prorata d'une quantité non négligeable de placebo afin de diluer la toxicité et la rendre moins visible. Les firmes telles que Pfizer utilisent, comme Facebook, de puissants algorithmes et savent en temps réel qui a reçu quoi et quand pour chaque pays et qui des injectés développe telle ou telle pathologie en fonction des remontées des effets secondaires effectués par les généralistes et les hôpitaux. Chaque dose est effectivement tracée, même si beaucoup pensent que tout cela n'existe pas. Les centres régionaux de picouzes recevaient donc des milliers de doses de tel ou tel vaccin en fonction de la période et du timing des injections. Première, deuxième ou troisième. Ce n'était donc pas au cas par cas. Mais Pfizer, et probablement des instances internationales du genre CIA, savaient très exactement ce qui était injecté à telle ou telle période, dans telle ou telle zone géographique du monde. Les politiques protégées se faisaient injecter des placebos numérotés et attribués dans des centres hospitaliers bien précis, et d'autres, pour la bonne cause, participaient à des simulations de picouses avec des aiguilles rétractables. Quel cirque! Il est possible aussi que les forces armées et la police aient reçu des placebos en quantité, suivant leur âge et leur niveau opérationnel. En effet, il faut savoir qu'à partir de 40 ans, un militaire devient un boulet qu'il faut reclasser dans les bureaux et la logistique, puisque cassé de partout. À la longue, ils deviennent trop nombreux par rapport au peu de jeunes encore motivés pour embrasser la profession. L'armée belge est par exemple, tout comme la population belge, en pyramide des âges inversés. On a un jeune opérationnel pour 4 militaires proches de la pension. J'en veux pour preuve une couverture vaccinale de 95% chez les militaires belges contre 65% chez les civils belges. Et très très peu d'effets secondaires chez les jeunes soldats. Contrairement à ceux proches de l'âge de la pension, voire pensionnés, qui dégustent en ce moment, avec de nombreux cas d'arrêt cardiaque, myocardite, AVC et thrombose. J'ai déjà perdu 3 collègues de moins de 60 ans, à peine pensionnés, un à 56 ans, et cela rien que depuis janvier. Nos contrôleurs ont mis plus de 30 ans à mettre tout cela au point. Tout a été calculé au détail près, et certainement pas pour que la communauté scientifique découvre le poteau rose et ses subtilités en 6 mois top chrono. Mon avis est que le contenu de ces injections est bien plus vicieux que ce que nous en disent les apôtres de la RNM, et qu'ils feront tout pour qu'on le découvre le plus tard possible. Et quand cela sera le cas, je prédis un sacré bordel au niveau du troupeau des injectés. Ils vont tout simplement péter un câble, ce qui provoquera immanquablement des émeutes un peu partout, auxquelles se préparent actuellement les forces de police dans toute l'Europe. À cette heure, je n'ai plus la patience d'écouter tous ces grands scientifiques devenus écrivains, conteurs d'histoires à dormir debout, dont le seul but est de nous replonger en dissonance cognitive de deuxième niveau et de retarder encore le moment où la vérité éclatera. Aux États-Unis, comme en France, c'est 90% d'opposition contrôlée qui gère le narratif. Genre, ce sont tous des incompétents et ils feront mieux la prochaine fois. Oups, j'ai glissé, chef. La RNM, c'est pas bon et c'est trop tôt, mais dans un futur proche, ce sera fantastique. Voyez donc le livre « Les apprentis sorciers » d'Alexandra Henrion-Caude. Sans blague, j'ai fait le tri. Et à l'heure qu'il est, je n'ai plus confiance qu'en une poignée de scientifiques. Astrid Stuckelberger, Suisse. Delgado, Espagne. Le docteur Ruby, États-Unis. Le docteur Yim, Luxembourg. Et bien sûr, j'ai confiance en nos médecins généralistes, résistants, non pasteuriens. Tous les autres nous font perdre un temps précieux en nous baladant dans l'enclos. Je pense que la Quinta Colonna est dans le vrai depuis le début, en exposant la relation de cause à effet du graphène dans les injections et de la 5G via l'électricité des corps, puis des nanobots pour une connexion à terme du troupeau au cloud, comme de vulgaires objets connectés. Pour le reste, j'ai confiance en moi-même et en mon ressenti, après 3 ans d'expérience, de partage et d'études sociétales face à l'énormité des mensonges qu'ils nous ont fait avaler. À présent, la vraie résistance est celle qui tente de comprendre les choses, et non celle qui les subit avec le reste du troupeau. Prenez soin de vous. Cher Pawan.